Alors vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL ou 89.1 et nous, en fait, vous proposons d'ouvrir l'émission avec quelques brèves d'actualités scientifiques. En commençant par l'IPBES. Alors on connaît le GIEC, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En 1912, un peu sur le modèle du GIEC, un autre groupe d'experts a été créé, l'IPBES. Alors, celui-ci concerne la biodiversité. Oui, il en avait été question déjà en 2010 lors de l'année mondiale de la biodiversité et il a effectivement vu le jour en avril 2012. Alors, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écologiques, ou en raccourci l'IPBES, l'IPBS. Donc, c'est un peu comme... c'est un peu le GIEC de la biodiversité finalement. Donc sa mission, c'est de suivre l'évolution et le maintien de l'intégrité de la biodiversité, donc de s'abreuver à l'information scientifique pour voir comment ça évolue, de compiler cette information scientifique et en bout de ligne d'aider les politiques locales et les politiques internationales à faire des choix pour conserver cette biodiversité. Donc l'IPBES doit aussi servir de base scientifique pour des accords multinationaux, donc un peu comme le GIEC par rapport au protocole de Kyoto. On pourrait presque dire le défunt protocole de Kyoto d'ailleurs. Mais il y a quand même une centaine de pays qui ont rejoint cette IPBES. Le Canada en fait partie. Bon, pour l'instant, c'est quand même assez récent, donc la plateforme se cherche un peu. En avril, il a été décidé, en tout cas voté, que le siège en serait à Bonn, en Allemagne. Mais pour le mode de fonctionnement et son financement, tout ça, c'est pas encore bien déterminé. Notamment, même les liens avec l'ONU ne sont pas encore bien définis. Mais les choses pourraient se préciser bientôt, car la première réunion de cette nouvelle plateforme, l'IPBES, aura lieu la semaine prochaine à Bonn. Donc, peut-être que le mode de fonctionnement, tout ça va se clarifier au cours de la semaine prochaine. Alors, on passe maintenant à la morue. Les arêtes de morue pourraient servir à fabriquer des implants osseux. Oui, ça, ce sont des études qui nous viennent du Portugal. Donc, des chercheurs de l'École supérieure de biotechnologie de l'Université catholique de Porto sont associés avec des industriels de la région pour trouver un moyen de valoriser les eaux de morue. Donc, la morue est largement consommée au Portugal et ça entraîne des milliers de tonnes de déchets sous forme de pots et d'arêtes. Donc, il y a là un gisement à exploiter. Finalement, il y a moyen de tirer profit de ces déchets pour en faire des coproduits. Donc, en particulier, les arêtes sont riches en phosphore, elles sont riches en calcium, et ces deux éléments-là sont des éléments clés pour la synthèse de l'hydroxyapatite. Bon, qu'est-ce que c'est que ce gros mot, l'hydroxyapatite? C'est en fait le composé principal des os et aussi de la dentine, donc de nos dents. Et de l'émail dentaire, je c'est crois. C'est ça, ouais. Donc, les chercheurs ont développé un procédé qui permettrait de transformer les arêtes de morue en hydroxyapatite, à partir de laquelle il serait possible de fabriquer des prothèses osseuses et dentaires. Donc, il y a des études de biocompatibilité qui sont menées pour vérifier que l'organisme humain accepterait de telles prothèses. Et en plus de ces coproduits médicaux, les déchets d'arêtes pourraient aussi trouver d'autres applications en électronique et dans le traitement des métaux lourds dans les eaux usées. Donc, une flopée d'applications, finalement, de façon de valoriser ces déchets. Effectivement.